ce Dieu qui lance des missiles sur des marchés peuplés d'enfants, ce Dieu qui châtie des civils et qui s'excuse en souriant négligemment, ce Dieu qui aime tant la guerre et qui ne se saoule qu'au sang, ce Dieu qui règne par le fer, n'est qu'un veau d'argent répugnant. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours avant que tout ne soit fini. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours avant que tout ne soit fini. Ce Dieu de haine et de métal, en aura-t-il jamais fini de vider tout son arsenal sur ses flopées de démunis? Ce Dieu-là n'est qu'un prête-nom, un masque pour les assassins, ce Dieu de l'aigle et des faucons, sale machine à orphelins. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours avant que tout ne soit fini. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours avant que tout ne soit fini. Maudit soient les crétins qui croient qu'un Dieu peut se gaver de haine. Si l'amour passe par l'effroi, ben, que ce soit leurs enfants qu'on prenne. Maudit les cœurs en coffre-fort, puisqu'ils méprisent tant la vie. Que la mort fasse son effort, qu'elle les frappe sans préavis. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours avant que tout ne soit fini. Il est où ce grand Dieu d'amour, celui qui règne sur la vie? S'il existe, on crie au secours